Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que paraisse son juste comme une éclatante lumière, et que son sauveur comme un flambeau répande sa clarté. Et les nations verront ton juste, et tous les rois ton roi illustre. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur nommera. Et tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur, et un diadème royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé délaissé, et ta terre ne sera plus appelée désolée, mais tu seras appelé ma volonté en elle, et ta terre habitée, parce que le Seigneur s'est complu en toi, et ta terre sera habitée. Car le jeune homme habitera avec la Vierge, et tes fils demeureront en toi. Et l'époux se réjouira en son épouse, et ton Dieu se réjouira en toi. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai établi des gardes. Pendant tout le jour et pendant toute la nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez pas, et ne gardez pas le silence envers lui, jusqu'à ce qu'il affermisse et qu'il rende Jérusalem un objet de louange sur la terre. Le Seigneur a juré, par sa droite et par son bras fort, si je donne encore ton blé pour nourriture à tes ennemis, et si les fils de l'étranger boivent le vin, fruit de tes travaux. Parce que ceux qui amassent le blé le mangeront et loueront le Seigneur, et ceux qui transportent le blé le boiront dans mes parvis sacrés. Passez, passez par les portes, préparez la voie à mon peuple, aplanissez le chemin, ôtez-en les pierres et élevez l'étendard pour les peuples. Voilà que le Seigneur a fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici que ton Sauveur vient. Voici que sa récompense est avec lui, et que son œuvre est devant lui. Et on les appellera peuple saint racheté par le Seigneur. Mais toi, tu seras appelé cité recherchée et non délaissée. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.